Numéro 27. La chambre est au deuxième étage. お部屋は3階です。 La chambre me plaît. Nous la prenons. 部屋が気に入りました。この部屋にします。 Nous resterons deux ou trois jours. 2泊か3泊します。 Le petit déjeuner est-il inclus? Quels sont les horaires du petit déjeuner? Asagohan wa nanji kara nanji made desu ka? Pouvez-vous me réveiller à 6 heures? Rokuji ni okoshite itadakemasu ka?